RQC. Il est 20h. Allô, c'est Alastair Sin de groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur RQC 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusque 22h Scream. Aujourd'hui, ben, je serai seul au monde, seul avec moi-même. Mais non, je dis ça comme ça, je serai avec vous. Sylval est un peu enrhumé. Et le slasher, ben, il avait dit, il ne serait pas là aujourd'hui, il sera là la semaine prochaine. Voilà donc. Aujourd'hui au programme de cette émission, ben, beaucoup de nouveautés comme d'habitude. Il y aura bien entendu aussi la slasher song, comme il a dit, il a prévu de sa slasher. Et elle sera au rendez-vous. Il y aura bien entendu la balade crapuleuse. Et comme je vous l'ai dit, beaucoup de nouveautés. Comme d'habitude, ben, vous nous demandez l'indicatif, ben, c'est Heat Downtown. On est habitué maintenant depuis quelques temps de jouer cette intro. Et c'est une bonne intro. Moi, j'aime bien. Voilà. Et si on aime bien, ben, c'est le principal. Allez, on s'envole du côté du Canada avec Danko Jones. L'album s'appelle Wild Cats. Et on va s'écouter My Little Rock and Roll. Et on se retrouve tout de suite après, les amis, car aujourd'hui, il y a quand même du lourd et du très lourd. So good when you get out of bed, you're always ready to go. I caught you looking like a million bucks when you walked out the door. You got something they call attitude, dripping all over the floor. Nobody says nothing, they just make their assumptions, and now you got them on all fours. Just need my fix, that sticks. Little rock and roll, I don't mean to Eh ben, il est pas mal du tout, le dernier Danko Jones, My Little Rock'n'Roll, extrait de son album Wildcat. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a du lourd et du très, très, très lourd. Alors, on poursuit cette programmation musicale avec Edge of Reflection. Le titre qu'on va s'écouter, c'est The Mirror Never Lied. Cet extrait de l'album In the Heat of the Night. Donc, c'est vraiment pas mal non plus. C'est bien foutu. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM. Et je remercie tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Soit au travail, soit dans la voiture en rentrant du taf, ou tout simplement dans son lit parce qu'on est malade. Voilà, mais c'est bien, on nous écoute et rien de tel pour se remettre d'aplomb. Allez, Edge of Reflection, c'est tout de suite, c'est maintenant. I'll be there to watch the Voilà, donc c'était Age of Reflection avec The Mirror of Never Lie. C'est extrait de l'album It's the Heat of the Night. Ben voilà ce que j'apprécie fort dans ce genre de musique qui nous font plonger un petit peu dans les années 80, c'est d'AOR, ben voilà, on se voit les cheveux dans le vent, hein, à bord d'une cabriolet sur les plages californiennes. Et c'est pas mal du tout, hein. Retenez bien ce groupe Age of Reflection. Là maintenant, on reprend l'avion, on quitte la Californie. Et on s'envole du côté où il fait très froid. J'en tremble, c'est du côté de la Finlande. Et on va s'écouter Diablerie, avec le titre Selves. C'est extrait de l'album The Catalyst, volume 1. C'est bien foutu aussi, c'est autre chose, c'est un autre style musical, mais il est très très bien foutu. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM, avec vous jusque 22h Scream pour l'émission Rive d'Enfer, et bientôt vous retrouverez Sylvain quand elle sera moins enrhumée, et le Slasher normalement lundi prochain. Allez, Diablerie avec Selve, c'est de Finlande. Yeah. Je vous l'avais dit, Diablerie, donc ça vient de Finlande et c'est le titre Self, avec le titre, l'album de titre, c'est The Catalyst, l'album, voilà, pardon. Et bien entendu, c'est le titre Self, je vous l'avais dit, hein, j'aime bien un peu ce côté un petit peu indus, comme ça, avec une voix un peu grôle, ben, ça change un petit peu et c'est vraiment, vraiment bien foutu. Le prochain album qu'on va s'écouter, le prochain groupe qu'on va s'écouter avec leur album qui s'appelle A Kingdom to Disappear, c'est Pyogenesis avec le titre Every Man from Himself and God Again All. C'est vraiment bien, j'aime bien l'artwork aussi, vous pouvez retrouver l'artwork sur la page Rive d'Enfer et j'aime vraiment vraiment bien ce morceau. Et tout de suite après, on arrivera à la Slasher Song. Ça change un petit peu quand même, mais c'est bien foutu, c'est Pyogenesis avec Every Man from Himself and God Again All. C'est nouveau, c'est tout frais, bien entendu, on retrouve ça sur Rive d'Enfer. Beaucoup de nouveautés, je vous l'ai dit. Hein. Juste là, on va passer maintenant à la Slasher Song, il n'est pas là aujourd'hui, mais comme d'habitude, il a programmé sa slasher et il m'a dit, ben voilà, tu joues ça et voilà. Il a décidé, à mon avis, de prendre ça car c'est son idole, c'est ce qu'il a... C'est ce qui lui a donné envie de faire de la gratouille, donc de la gratte, et c'est avec son premier concert qu'il avait vu, le slasher. Il a même été invité à monter sur scène, et il a choisi tout simplement de passer un extrait de l'album Alien Love Secret de Steve Vai avec le titre Bad Horses. Donc voilà, on va s'écouter la slasher song et on se retrouve tout de suite après. Alors. C'est le slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. We'll be right back. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est un grand, grand, grand monsieur, Steve Vai. Là, c'était Bad Horses et c'était, bien entendu, la Slasher Song. Moi, je l'appelle l'Alien, ce monsieur qu'on a eu l'occasion de voir à maintes reprises. Et chaque fois, je reste sur le cul. Donc, c'était, bien entendu, la Slasher Song. On poursuit avec un nouveau side project pour monsieur Zach Wilde. Il nous arrive avec un nouveau projet. L'album s'appelle Black Oak County. Le groupe s'appelle du même nom, Black Oak County. Et on va s'écouter The Boogeyman. Donc c'est du Zach Wilde en plein, comme il avait l'habitude de nous faire avec Pride of Glory. Voilà. Donc c'est un nouveau side project. On verra bien jusqu'où ça va nous mener avec monsieur Zach Wilde qui a énormément de flèches à son arc. Ça joue très très bien Black Oak County avec The Boogeyman. Voilà, ce qui serait bien, c'est que vous me donniez un peu votre avis sur l'extrait que vous venez d'écouter, là, comme ça. Mais en tout cas, ça décoffre bien. On poursuit encore avec Asphalt Horseman. L'album s'appelle Brotherhood. Et on va s'écouter Wicked Woman. Et après, on va s'écouter une petite merveille qui est arrivée, qui est sortie le 20 janvier. Mais juste avant, on va s'écouter d'abord Asphalt Horseman. Your smile, just let me understand you for a while. It hurts me so bad to be apart, but no remedy against noisy. pas mal du tout, le Asphalt Earthman avec Wicked Woman, extrait de l'album Broadwood. Alors on va poursuivre cette programmation musicale, comme je vous l'ai dit, avec une petite merveille, avec le groupe qui s'appelle Once Human. Ils nous viennent de Californie. À se méprendre, c'est une nana qui chante, hein. Vous allez voir, ça décoffre vraiment, vraiment bien. Et on va s'écouter le Flock of Flesh. L'album s'appelle Evolution et derrière une des grattes, il y a monsieur Logan Madder. Et ben voilà, moi je lance un concours. Citez-moi deux groupes où Logan Madder a joué. Vous les envoyez un message privé et vous remporterez un CD. Donc dans quel groupe, deux groupes où Logan Madder a joué de la gratouille. On va s'écouter Flock of Flesh de Once Human. Et franchement, vous allez me dire ce que vous en pensez, les petits loulous. Your fault. Et oui, c'est une nana au chant, hein, bien entendu, ça s'appelle Once Human, et l'album s'appelle Evolution, et on va s'écouter juste Flock of Flesh. Donc voilà, le concours c'était simple, hein, dans quel groupe, citez-moi deux groupes, où Logan Mader a joué, avant de jouer dans Once Human. Et si vous avez trouvé, vous envoyez la réponse soit sur la page Rives d'Enfer en message privé, ou tout simplement par mail sur rivesdenfer.rqc@gmail.com. On poursuit avec Warbringer, avec le titre Silhouette. C'est un single promo qu'on a reçu pour la radio. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM, avec vous jusque 22h. Scream pour l'émission Riff d'Enfer. The clock is ticking. Eh bien, je l'avais dit, ça dépote pas mal du tout à Warbringer avec le titre Silhouette, ça décoiffe. On a envie d'un banguet et même, pourquoi pas, faire du circle pit dans son salon, mais aller chercher les voisins et allez-y, hein, bougez les meubles et faites du circle pit. Voilà, peut-être que madame sera pas d'accord, mais enfin. Alors, Beyond the Description, c'est nouveau, c'est tout frais. L'album s'appelle The Robotized World et on va s'écouter le titre Journée, voilà, de Beyond Description. Beyond Description avec le titre Journée, ben la caisse claire elle en prend plein la tronche, hein. Ça déboîtait bien. Alors là on va un peu se calmer, mais on va un petit peu redescendre d'un ton avec une nouveauté aussi. Moi j'attends l'album avec impatience, c'est un groupe que j'apprécie très fort aussi, c'est le groupe Eclipse. Là on repart du côté de la Suède, hein, avec le titre Vertigo. L'album n'est pas encore sorti, il sortira chez AFM Records et je l'attends avec impatience. Donc voici le nouveau Eclipse Vertigo. voilà, donc c'est le nouveau Eclipse avec le titre Vertigo. On attend l'album avec impatience. Le prochain, c'est Chronicode avec I Will Not. L'album s'appelle Shapeshifter. Voilà, on va s'écouter ce titre et après on arrive tout doucement vers les 21h. Hein, d'ici quelques minutes, on aura la balade crapuleuse. Mais juste avant, Chronicode, avec I Will Not. C'est pas mal du tout non plus, hein. Chronicode avec I Will Not, l'album s'appelle donc Shake Up Its Shifter. Voilà, je vous l'avais dit, c'est bien foutu. Alors, d'ici quelques minutes, donc la balade crapuleuse comme d'habitude. Là maintenant, on s'envole du côté de la Russie avec le groupe CIDES, voilà, avec le titre Stranger Funeral. L'album s'appelle Seven Deadly Sins et c'est une nouveauté aussi du côté de la Russie. Voilà, donc c'était du côté de la Russie, CIDES avec Stranger Funeral, avec l'album Seven Deadly Sins. Il est l'heure de passer à la balade crapuleuse. Et là, j'ai choisi une balade de 1988, extrait de l'album Winger, avec le groupe donc Winger, hein, avec Without You The Night. C'est une superbe balade et on se retrouve tout de suite après. Thank you. Une belle balade crapuleuse comme on les aime avec Winger, avec Without You The Night, sorti en 88. Là on va s'écouter une petite exclusivité, l'album n'est pas encore sorti, c'est le nouvel album de Thunder avec No One's Get Out Alive. We'll be right back. de Thunder avec No One Get Out Alive. Et on a, l'album est vraiment génial, je peux vous le dire, je l'ai écouté en long et en large. Donc Thunder, c'était avec le titre No One's Get Out Alive. On poursuit, eux ils seront au festival de l'Alcatraz à Courtrai au mois d'août. Nos Suisses préférés, hein, des groupes suisses, il y en a quand même pas mal, hein, des groupes suisses, mais j'adore ce groupe et j'ai eu l'occasion de les voir quelques fois. C'est Crocus, ils nous reviennent avec un nouvel album qui s'appelle Big Rock. C'est un album de reprises, mais bon, sur scène ils nous feront pas que des reprises. Je connais très bien Marc Storas et il nous fera peut-être quelques titres, mais il nous fera aussi des gros standards de Crocus. Et eux normalement ils jouent le vendredi, Crocus, donc on espère franchement avoir un set super de ce groupe qui est des vieux de la vieille déjà quand même, Crocus, hein. On va s'écouter Backseat Rock'n'Roll, donc nos Suisses préférés, Crocus, et on se retrouve tout de suite après pour un deuxième concours, les amis. Avec Marc Storas au chant, et j'ai toujours dit que Marc Storas, aurait pu remplacer Bon Scott, et maintenant il aurait pu remplacer Brian Johnson au sein d'ICDC. Franchement, voilà, moi ça c'est ma façon de penser, et j'en avais discuté aussi avec des membres de Sideburn, et ils étaient carrément d'accord avec moi, ils les connaissent très très bien aussi. Alors, le petit concours c'est très simple. Au plus rapide, quel est le pays d'origine du groupe Crocus ? Répondez-moi et vous remporterez un CD. A Taste of Freedom avec Ghost of Sparta. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est extrait de l'album Carvette in Your Dream. Trumpets of Freedom avec Ghost of Sparta. Alors on a un gagnant, ben oui, bien entendu, Crocus est de Suisse. Voilà, félicitations à Yannick qui a joué, qui a gagné. Bien entendu, on gagne tout le temps dans Rive d'Enfer, il y a toujours des CD à gagner ou des goodies, et voilà, ben, félicitations à toi Yannick. Je répète aussi, si vous êtes un groupe et que vous désirez éventuellement passer en interview à la radio ou tout simplement envoyer votre galette, eh ben, vous pouvez nous contacter sur la page de rivedenfer.rqc@gmail.com, rivedenfer.rqc@gmail.com. World of Pharrell, l'album s'appelle A Quiet World et on va s'écouter Gaia Demise. Farewell avec Gaia Demise, A Quiet World, c'est le titre de l'album Les Loulous. Watchware, avec Argument Against Design, c'est ce qu'on va s'écouter juste à l'instant. Le titre de l'album c'est Concept of Math Book 1. C'est ça, c'est tout de suite, c'est maintenant. Part of the modern. Voilà, donc c'est encore une petite nouveauté avec Watchtower, avec Argument Against Design, extrait de l'album Concept of Matt. Moi j'aime bien, c'est du prog, et franchement les musicos de prog, ben, elles en mettent toujours plein la gueule comme on dit. On poursuit avec Sandstorm, l'album s'appelle tout simplement Vertigo, et on va s'écouter Metamorphosis. We'll be right back. Voilà donc Soundstorm Métamorphosis, l'album s'appelle Vertigo, bah c'est vraiment pas mal du tout. Le nouvel album de Axis est arrivé et on va s'écouter. Donc l'album s'appelle Retolution, on va s'écouter le titre Rock the Night. C'est pas une reprise du tout de Europe, hein, mais voilà, ça s'appelle Rock the Night aussi. Et c'est le nouvel album de Axis. Voilà donc le nouvel album de Axis avec Retribution, il est vraiment vraiment pas mal. Rock the Night, ça bouge un peu plus quand même que Europe avec le titre, si on se souvient, Rock the Night. C'était pas exactement la même chose non plus, mais c'était vraiment bien quand même à l'époque. On va s'écouter Poker Face, mais pas avec Lady Gaga, quoique on aimerait bien peut-être avoir Lady Gaga parmi nous, quoique elle a fait aussi à l'époque du hard rock, et oui, pour ceux qui ne le savent pas, Lady Gaga a commencé avec du hard rock, mais bon, c'est un peu comme Shakira, ils ont fait un petit peu dans des groupes, mais on ne le sait pratiquement pas, mais voilà, je vous ai appris peut-être une chose aujourd'hui, vous dormirez moins con ce soir. Alors Poker Face, c'est tout de suite maintenant avec le titre Game One. We'll be right back. Voilà, donc c'était Poker Face avec Game One. Le prochain, ben, l'album de Xandria est sorti. Là, on va s'écouter We Are Murder, de l'album donc du même titre, titre éponyme donc de Xandria. On va s'écouter ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez du nouvel album de Xandria, We Are The Murder. Ben, moi j'aime bien, même si j'aime pas trop un petit peu le female voice, j'aime pas dire female parce qu'après on va dire mal pour dire des femmes à la voix, avec ça comme ça, peut-être galant. Mais il est pas mal avec du groll. Là on va s'écouter le nouveau Lancer avec Mystery, c'est vraiment bien foutu aussi. One Ben, je vous l'avais dit, il y a le nouveau Lancer, il est bien, il est monstrueux, la pochette, l'artwork, il est magnifique. Le titre, c'était Mystery. J'adore un peu le genre un peu power comme ça, avec une belle voix bien foutue. Ben, c'est vraiment génial. C'est le nouvel album de Lancer. On poursuit avec l'avant-dernier titre de cette soirée. Déjà, il est bientôt l'heure de se quitter. Vous allez avoir bientôt avoir affaire à nos amis les Midnight Monkeys Radio Show qui sont de retour après une semaine d'absence. Maintenant, ça va être comme ça. C'est une semaine sur deux. Voilà, c'est le nouveau rythme. C'est, voilà. Et on va s'écouter Hellhound avec Circle of Trust, extrait de l'album Nothing Left. Voilà, donc juste à l'instant, c'était Hinhold avec Circle Trust, extrait de l'album Nothing Left. Il est l'heure de se quitter, nous on va se quitter avec Dread of Eternity avec le titre Broken Mirror, extrait de l'album Who of the Nightingale. Je vous laisse en compagnie des Midnight Monkeys Radio Show avec des invités. Ben voilà, un bon programme jusque minuit, les amis. Restez bien branchés sur RQC 95 FM car il n'y a que du bon, toujours du bon, c'est sur RQC. Allez, ciao les amis et restez à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Rive d'Enfer avec plein de nouvelles choses comme d'habitude.